Chapitre 60e, la sirène. Là, je peux sans doute vous éclairer, même si le mieux pour vous serait de rencontrer Josette Roset. C'est elle qui a conseillé Marie lors de la signature de son premier contrat, et c'est surtout elle qui a rencontré la directrice de l'agence quand Marie est devenue mannequin. Elle devait vraiment l'aimer profondément, s'exclama alors Marieke von Günberg. Je sais qu'elle s'y est attachée dès le premier regard. Pour elle, mais elle le vous dirait sans doute mieux que moi, Marie était un don du ciel. Ne vous êtes-vous jamais demandé la raison pour laquelle Marie n'avait pas été adoptée? Avouez tout de même qu'elle était le rêve de beaucoup de parents. Je vais peut-être vous sembler égoïste, monsieur le commissaire, mais au fond de mon cœur, je ne le souhaitais pas. De par les rapports réguliers que m'envoyait Lotet, je savais que Josette Roset était exactement la personne qui convenait à Marie. Je ne voulais pas savoir mon petit ange aux mains d'étrangers, car qui sait ce qui aurait pu arriver? Comme vous l'avez dit, Marie était une petite fille si jolie. Eh bien, voyez comme la vie est curieuse. Josette Roset pensait exactement comme vous. Elle a volontairement égaré le dossier d'adoption de Marie, car elle ne supportait pas l'idée de la savoir loin d'elle. Et quand elle a dû passer le témoin, elle s'est auparavant assurée que tout se passerait bien, ce qui a été le cas. Marieke von Günberg ne dissimula pas sa surprise à Dutilleul. J'ignorais qu'elle avait eu un rôle si important, et surtout tout ce que je lui dois. Je pense que vous avez raison. Le temps est peut-être venu de la rencontrer, car après tout, elle le mérite bien. Seulement, même aujourd'hui, je suis tellement horrifié par ce que j'ai dû me résoudre à faire. Je ne connais guère Josette Roset, mais si elle est bien la femme que je pense qu'elle est, je serais très surpris qu'elle vous en tienne rigueur. N'oubliez pas qu'elle a vu des situations bien pires que celles de Marie. Au moins, vous ne l'avez jamais maltraitée. C'était hors de question. Marie ne le méritait pas. Alors je pense que vous n'avez rien à redouter. J'aimerais tant vous croire. Voudriez-vous que j'arrange un rendez-vous? Il y a une autre personne que j'aimerais assez vous faire rencontrer. Sachez que votre mari a eu ses bonnes fées. Je ne sais. Il faut que je trouve la force, monsieur le commissaire, je crois. Vous comprenez? Je n'étais pas préparé à entendre tout ce que vous venez de me dire. Je m'attendais tellement à une pluie de reproches. Je crois que vous vous reprochez suffisamment votre geste pour en rajouter, et puis, à quoi bon? Puisque Marie n'est plus là. C'est vrai. C'est sans doute ce qui rend les choses si épouvantables. Elle ne méritait pas une fin pareille. Ni son mari, je puis vous le garantir, sans parler de leur fille. Un beau gâchis que tout cela, mais au moins reposent-ils tous ensemble. Marieke von Günberg ne cacha pas son désespoir à Dutilleul. J'aurais tout donné pour connaître ma petite fille, mais je n'osais pas. J'aurais eu le sentiment de trahir Armand et je ne le voulais pas. De toute façon, à quoi aurais-je pu prétendre? Bien sûr, j'étais la mère de Marie, mais nous avions partagé si peu de temps ensemble. Il aurait fallu que je raconte mon histoire et, malgré cela, ou peut-être à cause de cela, il n'était absolument pas sûr que l'on me confie la garde de Marion, surtout vivant en Afrique. Une fois de plus, j'ai préféré laisser faire les événements car je n'aurais apporté que des complications. À présent, si vous pouvez encore m'accorder quelques instants, j'ai quelque chose pour vous. Alors, Dutilleul avait attendu sous le soleil de plomb de la terrasse. Il avait chaud, mais il n'osait enlever sa veste. Cependant, Marieke von Günberg ne fut pas longue à revenir. Dans sa main, elle tenait une chemise cartonnée. Elle la lui tendit avec un joli sourire. « C'est pour vous. Je vous les avais préparées, sachant que Lotte m'avait dit que vous aviez lu mes lettres. Il n'était que justice que vous ayez la seconde partie de l'histoire. Je souhaite que vous sachiez une chose. Je m'étais plus ou moins résigné à vous les donner, mais à présent je vous les donne avec reconnaissance. Je sais maintenant combien vous avez aimé Marie par le soin que vous avez mis à reconstituer son existence. Croyez bien, madame, qu'elle le méritait. » Dutilleul avait quitté Marieke von Günberg peu après, non sans qu'elle se soit auparavant excusée du manque de chaleur de son accueil. L'après-midi était déjà bien avancé quand il était rentré à Biarritz et il avait choisi de faire un tour sur la plage. Il avait grand besoin de respirer. Ensuite, il était allé dîner dans un restaurant en bord de mer, puis avait rapidement gagné sa chambre. Il ne savait pourquoi il se sentait soudain banné. Il avait lu un peu, puis il s'était endormi comme une masse. Le lendemain matin, il se sentait frais et dispos, prêt à accueillir Mado. Celle-ci était arrivée en tout début d'après-midi, et il avait tout de suite approuvé la tenue décontractée qu'elle avait adoptée. Elle n'était pas maquillée et elle avait ramené ses cheveux en queue de cheval. Il réalisa alors qu'il ne l'avait jamais vue ainsi et il la trouvait vraiment très séduisante, même si elle était un peu pâle. Dutilleul aurait bien aimé avoir un câlin, mais Mado avait immédiatement voulu voir l'océan. Sans manière, elle s'était déshabillée et mise à l'eau. Dutilleul frissonna, car celle-ci ne devait pas être à plus de 18 degrés. Malgré les suppliques de Mado à venir la rejoindre, il se tint soigneusement sur le bord. Il faisait moins chaud que la veille et Dutilleul se sentait bien, s'amusant à voir Mado sauter dans les vagues telle une petite fille. Comme tout ce qu'elle faisait, Mado nageait bien et Dutilleul pouvait admirer son corps athlétique. Elle faisait une merveilleuse sirène. La sirène finit enfin par sortir de l'eau et Dutilleul put alors admirer son joli deux pièces noires, tout simple mais très saillant. « Tu mates la marchandise, mon tilleul ?»« Quand il m'est donné de la voir d'aussi près, oui, je ne boude pas mon plaisir. »« Alors il va falloir que je pense à vendre des tickets. »« Si tu veux, du moment que tu me les réserves tous. »« Ça, faut voir. C'est encore moi qui tiens la caisse. »« Et je peux toujours en mettre quelques-uns de côté pour refiler aux copains. » Sans vouloir être désagréable, tu n'es pas le seul sur l'affaire. Justement là, curieusement, je n'ai pas trop envie de partager.